Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Une réunion de haut niveau dirigée ce lundi 2 septembre 2024 par le Premier ministre burundais fait ressortir un appel pressant pour le respect des mesures barrières contre la variole du singe. Des sanctions sont prévues contre les récalcitrants, surtout en mairie de Bujumbura qui compte 200 cas de personnes touchées, dont 125 étaient recensées dans la seule commune de Nangwa au 31 août dernier. Et la note de 32% est retenue pour être admis à l'enseignement post-fondamental pour les externes et 50,5% pour les internes. Déclaration du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui précise que la rentrée scolaire est fixée au 16 septembre prochain. Et des cas de vol avérés sous le couvert de centres de collecte illégaux du café ont fait retarder le paiement de certains caféiculteurs. De gros montants en termes de centaines de millions sont en jeu. Vous entendrez les précisions de l'administrateur directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODECA. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Premier ministre burundais appelle les administratifs, les forces de sécurité et les médecins des districts sanitaires à sensibiliser la population à lutter contre la variole du singe sans distinction aucune. Et cette population est appelée au strict respect des mesures barrières contre le Mpox pour ne pas subir des sanctions irrelatives. Gervais de la Kobucha l'a dit ce lundi dans une réunion de haut niveau qu'il a tenue à l'endroit des responsables de tous les secteurs de la vie du pays, au cours de laquelle il a appelé le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Eau propre à octroyer en suffisance de l'eau dans Bujumbura, la capitale économique, qui enregistre beaucoup de cas testés positifs à la variole du singe. Évariste Ndikobanyanga nous en dit plus. Depuis le 25 juillet de l'année en cours, la date de la déclaration du Mpox au Burundi sur plus de 300 cas testés positifs sur le territoire national, la mairie de Bujumbura se taille la part du lion jusqu'au 31 août de cette année. Dans cette réunion de haut niveau, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, ayant déclaré 200 cas, 125 cas ayant été testés uniquement en commune urbaine de Nahangwa. Le manque de l'eau potable est l'une des causes majeures de la propagation de la variole du singe, a dit le maire de la ville. Ceux qui sont chargés de la santé nous demandent toujours d'observer les mesures barrières, se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Mais nous avons le problème de manque d'eau potable. C'est pourquoi nous vous exhortons de faire plaidoirie au niveau de la régie des eaux. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida confirme que son ministère est à l'œuvre pour lutter contre cette épidémie là où elle s'est déjà déclarée, ainsi que la prise en charge médicale de ceux qui sont déjà contaminés. Cela étant, le ministre Lidwine Bradahana ayant signalé que les mesures barrières ne sont pas bien observées sur le territoire national. Le ministère de la Santé est sur terrain, mais l'on ne peut pas dire que les mesures barrières sont observées par la population et les administratifs comme il faut. La quasi-totalité se comporte comme si rien n'était. C'est pourquoi la propagation est alarmante. Le Premier ministre burundais, qui présidait cette réunion de haut niveau après avoir entendu que la pénurie de l'eau potable dans certains coins du pays et à Bujumbura, la capitale économique du pays en particulier, il interpelle le ministère en charge de l'énergie, des mines et de l'eau propre, comme l'a indiqué Arkade Hatungimana, conseiller à la primature et procès-verbaliste. Il faut rendre l'eau disponible dans la ville de Bujumbura et à l'intérieur surtout là où la variole du singe s'est déjà déclarée. Cet appel est lancé à la régie des eaux, à Armel, à la protection civile et aux autres qui interviennent en la matière. Il interpelle le ministère de l'énergie, des mines et de l'eau propre. Respecter les mesures d'hygiène comme c'était lors de la COVID-19 et punir sévèrement les récalcitrants et éradiquer le braconnage ainsi que la prostitution, source majeure de propagation du Mpox dans les zones Kamenge et Kinama. Ce sont les unes des recommandations arrêtées au cours de cette réunion de haut niveau tenue ce lundi sous le repatronage du Premier ministre dans Bujumbura, la capitale économique. Évariste Nzikobanyang. L'ODECA demande au café culturel ayant des montants supérieurs à 3 millions de francs burundais d'attendre la vérification de l'origine des quantités de café vendues, étant donné qu'il a été constaté que certains commerçants ont volé les caféiculteurs à travers l'installation des centres de collecte illégaux. L'administrateur directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, Jean de Dieu Niyindabira, a précisé que dans la province de Cibitoke, un montant de plus de 28 millions de francs burundais allait être partagé entre 6 personnes, alors qu'en Ngozi, un montant de plus de 730 millions allait être payé à 27 personnes. Suivez les précisions de Jean de Dieu Niyindabira, ADG de l'ODECA. Dans la province de Cibitoke, un montant de 28 454 910 francs allait être partagé entre 6 personnes, alors qu'en réalité, ce montant devrait appartenir à 815 caféiculteurs. Dans la province de Ngozi, un montant de 730 920 francs 725 000 allait être payé à 27 personnes, alors qu'en réalité, le montant était destiné à 2918 caféiculteurs. Le montant alloué au paiement des caféiculteurs est disponible. Mais malgré les préparatifs de la rentrée scolaire d'achat des engrais pour la saison 1, nous demandons aux caféiculteurs d'user de leur patience pour que ODECA puisse les remettre dans leurs droits en tant que caféiculteurs, car il est en train de combattre avec toute énergie tout ce qui est du vol des caféiculteurs à travers les centres de collecte illégaux, mais aussi à travers la coutume de Murugwazo perpétrée au niveau des caféiculteurs. Tout dépripeur est interpellé à terminer le plus tôt possible le paiement des caféiculteurs. Tous ceux qui ont passé à côté la réglementation en vigueur relative à la collecte du café cerise, à la production du café fully washed, miel et naturel, seront punis conformément à la loi en vigueur. La quantité globale vendue est déclarée au niveau de la Banque centrale jusqu'au 22 2024 pour cette campagne café et de 910 tonnes 467 kilos, dont 715 tonnes 440 de l'ODECA et 195 tonnes 27 kilos des privés. Jean de Dieu Niyindabira, administrateur directeur général de l'ODECA. Je vous l'avais dit dans les titres, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a annoncé ce lundi après-midi la date du 16 septembre prochain pour la rentrée scolaire 2024-2025. François Habyarimana a déclaré dans un point de presse que la note de 32%, soit 64 sur 200, est retenue pour être admis à l'enseignement post-fondamental pour les externes et 101 sur 200, soit 50,5% pour les internes. Suivez le ministre François Habyarimana. Est admis à l'enseignement post-fondamental général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 64 sur 200, soit 32%. Le taux de réussite au concours national est donc de 79,8%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 16 097, soit en moyenne 135 élèves par commune ou 5 élèves par colline. Ces derniers peuvent se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou redoubler de classe si les places sont disponibles. Deuxièmement, l'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques en régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 101 sur 200, soit 50,5%. Signalons que nous venons d'augmenter de 5 000 l'effectif des élèves qui vont être accueillis à l'internat comparativement à ce qui se faisait les années dernières. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, tous les lauréats du concours national de la communauté Batois, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 64 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. Sur 175 candidats batois qui ont passé le concours national dans tout le pays, 124 ont réussi le concours national. L'admission dans les autres filières des écoles publiques et dans les lycées communaux est tout simplement conditionnée par la réussite au concours, c'est-à-dire que l'élève doit avoir eu tout simplement au moins 64 sur 200, soit 32%, et les élèves concernés jouissent du régime d'externat. 5. L'admission dans les centres de formation professionnelle est conditionnée par la réussite au concours de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental. Les candidats à cette formation peuvent se faire enrôler dans les centres de formation professionnelle de leur choix. Au cas où le nombre de candidats dépasse largement le nombre de places disponibles, un concours de sélection peut être organisé par le centre de formation professionnelle concerné. 6. L'admission dans les écoles d'excellence est fonction des places disponibles et est sujette à quota régional, provincial et ou communal pour les élèves ayant obtenu dans leur circonscription la note la plus élevée au concours national de certification et d'orientation à l'enseignement post-fondamental. Enfin, nous souhaitons aux enseignants et aux élèves bonne fin de vacances et bon succès pour l'année scolaire 2024-2025 qui va commencer le 16 septembre 2024. Le contingent burundais en mission de maintien de la paix en Somalie dit avoir confiance d'atteindre cet objectif. Général-major Mario Sengendabanga, commandant adjoint des forces de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, chargé des opérations et plans, qui le dit, explique que ses forces ont pu récupérer quelques zones qui étaient sous contrôle des Al-Shabaab, notamment la capitale Mogadiscio. La représentation de l'ATMIS apprécie positivement la participation de la force de défense burundaise dans cette mission. Un reportage de notre confrère Omer Ndouayo qui vient de séjourner à Mogadiscio. Il est de retour. Les forces de l'ATMIS, projet en soutien du processus de paix et de sécurité en Somalie, couvrent la partie du centre-sud de ce pays, y compris Mogadiscio, la capitale, le long de l'océan Indien. Le 15e contingent burundais est basé à Johar, la capitale de l'État fédéré de Hirshabelle, à environ 90 km de Mogadiscio. Général-major Marius Ngendabanga, le commandant adjoint des forces de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS en sigle, espère avoir la Somalie paisible, même si ça prendra un peu du temps. The success is a process. It will take time, but pour arriver à un objectif, c'est un processus. Cela demande du temps, mais nous y arriverons. En 2009, certains endroits de la ville de Mogadiscio étaient dans les mains des Al-Shabaab, mais nous avons récupéré certaines capitales des États. Nous comptons alors occuper le centre et le sud du pays. En espoir partagé avec lieutenant général Sam Kavuma, le commandant de ses forces. They were number two in this mission, and I even believe that les troupes burundais ont adhéré à l'ATMIS en deuxième lieu après l'Ouganda. Ce contingent a trop intervenu dans la mise de l'ordre. Ils sont ici depuis 2007. 17 ans viennent de s'écouler. Ils ont libéré différents coins de la capitale Mogadiscio, Johar, là où ils sont basés aujourd'hui dans la zone 5. Bam Sivuile, l'agent du représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie, apprécie le sacrifice des troupes de la force de défense burundaise qui a pu libérer 6 de cette zone en main du rébellion Al-Shabaab. It's been a lot of progress. The Burundi government, by sending its troops here, made a lot of. C'est vraiment une décision salutaire de la part du Burundi d'envoyer ses troupes pour le retour de la paix. 6 zones occupées par les Al-Shabaab sur 7 ont été récupérées. Ce fut une tâche pénible, mais ils se sont donné corps et âme pour le retour de la paix dans ce pays. Support of peace in this country. 5 pays, à savoir le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et le Djibouti, ont des troupes en Somalie. Le Parti Conseil pour la démocratie et le développement du pays se dit préoccupé par la dévaluation de la monnaie burundaise et la pauvreté dans laquelle croupit la population. Kefani Bizi, président de son parti, demande à l'État de mettre en exécution les propositions des partenaires du Burundi dans le développement, notamment le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Ce parti trouve que le gouvernement devrait se focaliser sur la diversification des produits à exporter pour faire entrer les devises dans le pays. C'était ce dimanche dans une réunion avec les organes dirigeants de ce parti en mairie de Bujumbura. Suivez-le. En tout temps de cause, le pays vit quotidiennement. Nous avons des institutions. Les services de l'État continuent à fonctionner. On n'est pas comme les pays comme la Libye, comme la Somalie, où il n'y a pas de stabilité. Il y a quand même un peu de sécurité un peu partout. Mais dans le domaine socio-économique, à ce qui est de la liberté publique, à ce qui est de la démocratie, en tout cas, on se dirige vers le pire. Aussi longtemps que les hauts gradés, les hautes autorités du pays sont les pionniers dans le commerce, aucun ministre ne pourrait jamais gérer facilement ce ministère. Il faudrait que la loi qui interdit les autorités ou les dépositaires de l'autorité publique ou ceux qui sont chargés de missions publiques de participer aux activités commerciales soit respectée. Au cas contraire, et ça sera toujours difficile de régler les activités de son ministère parce qu'il y a même certains commerçants qui peuvent dire à un ministre si tu ne fais pas ceci, demain tu seras démis de ses fonctions. Et des fois, c'est le cas. Notre appréciation globale sur l'économie du pays, c'est que la situation est chaotique, la situation est alarmante et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution envisageable par les autorités pour nous sortir de ce barrage humain que la population burundaise vit actuellement. Radio Isanganiro, chronique sport. La nouvelle loi régissant le football telle que modifiée par les experts de la FIFA stipule qu'un joueur qui commet une touche dans la surface de réparation en empêchant une équipe de marquer un but est puni d'un carton jaune et un pénalty au lieu de lui sanctionner avec un carton rouge comme l'ancienne loi l'exigeait. Évariste Mourenguelanouari, président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB, fait savoir que le pénalty est retiré lorsqu'il y a empiétement. Jean-Marie Vianney Gendakoumana. Selon cette nouvelle loi numéro 14, régissant le jeu de football, lorsque les joueurs entrent dans la surface de réparation avant que le joueur botte son tir, le pénalty est retiré dans le cas de l'incidence. Le président de la commission chargée d'arbitrage et aussi de la Fédération burundaise de football FFB fait savoir qu'on revient sur le pénalty car les joueurs de l'équipe adverse ont délangé le gardien d'Obi. Il y a aussi le pénalty. Aujourd'hui, la FIFA dit que s'il y a pénalty, parfois, il y a des joueurs qui entrent, ce qu'on appelle empiétement, qui entrent avant que le botteur ne botte son tir. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut d'abord regarder s'il y a eu incidence. S'il n'y a pas d'incidence, ça peut être le coéquipier du botteur, ça peut être l'adversaire du botteur, ou les deux à la fois. Aujourd'hui, on considère s'il y a eu incidence ou pas. S'il y a eu incidence, ça veut dire que le pénalty peut être retiré. Le président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de football FFB fait savoir que l'ancienne loi stipulait de refaire le pénalty car le coéquipier de botteur et l'adversaire entrent en même état avant que le pénalty soit tiré. Dans les temps passés, on voyait quand coéquipier du botteur et l'adversaire entrent en même temps avant que le pénalty ne soit tiré. On nous disait, quel que soit le résultat du pénalty, on devait revenir sur le pénalty. Mais aujourd'hui, on regarde l'incidence uniquement. Évariste Mourenguelanouari indique que lorsqu'un joueur commet un touché dans la surface de réparation en empêchant une équipe adverse de marquer un but, on recolle un carton jaune et un pénalty. La loi maîtresse, c'est la loi 12 qui dit infraction et sanction. Aujourd'hui, il y a un aspect communément appelé touché qui pose problème aujourd'hui, que ce soit pour les joueurs, que ce soit aussi pour les arbitres. Alors, la FIFA a amené des clarifications là-dessus. Aujourd'hui, on nous dit que si un joueur commet l'infraction en empêchant une équipe de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste, mais quand il avait l'intention de jouer le ballon ou d'en disputer la possession, même si c'est dans la surface de réparation, on descend la punition, on lui colle un carton jaune. Et quand il stoppe ce qu'on appelle une attaque prometteuse, ça veut dire que c'est une attaque qui se dirige vers les bois adverses. mais il y a encore de la distance qui sépare son jeu et les bois. Le joueur fautif est puni par un coup franc direct, mais ne reçoit pas d'un carton jaune. Le président de la commission chargée d'arbitrage et aussi de la Fédération burundaise de football FFB indique qu'un joueur qui commet telle faute dans l'ancien éloi aura sanctionné avec un carton rouge comme l'ancien éloi l'exigeait. En actualité internationale, en bref, à Madagascar, la castration chirurgicale devient officiellement une réalité pour les violeurs de mineurs. La castration chimique ayant été jugée inconstitutionnelle. La semaine dernière, le gouvernement malgache a annoncé avoir pris le décret imposant cet acte chirurgical pour les criminels, marquant ainsi une nouvelle ère dans la législation pénale du pays. La Grande Île, qui avait adopté en février dernier ce texte très controversé, devient donc l'un des rares pays au monde à autoriser la pratique de cette chirurgie irréversible. Le décret d'application pris en toute discrétion mardi 27 août n'a toutefois pas encore été rendu public. Cette peine reste fortement critiquée. Son éthique et son efficacité n'ont cessé ces derniers mois de diviser l'opinion publique et les experts internationaux. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.